check, check, check, check, check, check. Dans toute l'île de France et la nation, c'est moi Greg, le millionnaire, le bachelor, le plus populaire. Ma nouvelle unité de valeur, ouais, c'est celle qui fait battre mon cœur. Ma nouvelle unité de valeur, ouais, a explosé tous les compteurs. Secret story, je suis un people and jungle VIP. Le king de la pop, j'ai jamais fait un flop. Du hip hop au rock à la variété baroque. Ma nouvelle unité de valeur, ouais, c'est celle qui fait battre mon cœur. Ma nouvelle unité de valeur, ouais, a explosé tous les compteurs. Ma nouvelle unité de valeur, ouais, c'est celle qui fait battre mon cœur. Voici voilà je m'arrache, je suis le bon client pour les paparazzi. Avec mon storyboard de mafiosi. Ma nouvelle unité de valeur, ouais, c'est celle qui fait battre mon cœur. Ma nouvelle unité de valeur, ouais, a explosé tous les compteurs. Oh yeah, oh yeah, hey. Attila, j'en suis, hein. Ma nouvelle unité de valeur, ouais, c'est celle qui fait battre mon cœur. Ma nouvelle unité de valeur, ouais, a explosé tous les compteurs. Oh yeah, oh yeah. J'ai le roi du pétrole dans mon 20 mètres carrés. Je fais quelques bricoles pour payer le loyer. Si le soleil ne brille qu'une fois dans l'année, viens dans mon abri, Miami est validé. Ma nouvelle unité de valeur, ouais, c'est celle qui fait battre mon cœur.